kiganiro. Léonce Huitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le président de la CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme, s'insurge contre la mesure de la rétrograder. La commission vient en effet de passer du statut A au statut B, accusé de ne pas travailler indépendamment vis-à-vis des pouvoirs publics burundais. C'est un cri d'alarme qui est lancé par l'organisation locale ONLCT « Où est ton frère ?». Elle dit que plus de 500 jeunes filles et femmes burundaises ont été victimes du trafic humain en 2017. Un trafic qui commence même à toucher les jeunes hommes, vous l'entendrez. C'est cette semaine que le monde va célébrer la Journée internationale de la femme au Burundi. Les femmes qui travaillent dans des sociétés de gardiennage disent pouvoir subvenir à leurs besoins, mais des difficultés ne manquent pas non plus. Vous entendrez l'une d'elles qui s'est confiée à la rédaction Isanganiro. Et au sport, la compétition de football de la Coupe du Président édition 2018 était en sixième de finale le week-end dernier. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme s'insurge contre la mesure de la rétrograder. La commission vient en effet de passer du statut A au statut B, accusé de n'avoir pas prouvé son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Dans une conférence de presse ce lundi, Jean-Baptiste Badiwonekeza, le président de la CNIDH, a accusé à son tour des associations burundaises de défense et des droits humains de publier de faux rapports sur le pays. Suivez. Nous avons indiqué que nous considérons que cette décision n'est pas fondée, que la recommandation en fait est basée sur et surtout les allégations et les on-dit et des informations de seconde main qui ont été relayées par certaines organisations, dont en particulier la FIDH, la PRODH, la CAT, le FOCOD, le FORS et la CBCPI, je crois. Donc c'est une série de 5 à 6 organisations nationales qui sont derrière la FIDH pour, si vous voulez, avoir la confirmation de cette rétrogradation. En analysant, si vous voulez, tout le processus, la façon dont ils sont déroulés, il y a un certain nombre d'éléments en fait sur lesquels on voulait attirer l'attention de la communauté nationale et internationale. Le premier élément d'information, c'est en fait quand vous regardez le profil des organisations en fait qui ont accusé la CNDH d'impartialité. C'est des organisations en fait qui se disent de la société civile et donc qui se disent ne pas défendre des intérêts politiques, mais à la lumière des faits, on remarque que c'est des organisations qui sont éminemment politiques et qui poursuivent des intérêts politiques indépendamment, si vous voulez, du sort de la situation des droits de l'homme dans le pays. La deuxième analyse qu'on fait est par rapport à cette recommandation, c'est également de voir justement ces organisations, par exemple, bénéficient du soutien de qui ? Est-ce que les personnes ou les pays qui les soutiennent, est-ce que c'est des personnes ou des pays qui ont à cœur l'intérêt du peuple burundais dans son ensemble ? Notre constat, c'est que c'est non. Donc, c'est des organisations et des pays, en fait, qui ont en face leurs propres intérêts et qui, en fait, ne sont pas du tout préoccupés par ce qui arrive au peuple burundais dans toutes ses composantes. Jean-Baptiste Badiwonekeza qui indique également qu'il compte approcher ceux qui ont pris la décision de dégrader la CNIDH et pour tenter de les convaincre afin qu'ils se ressaisissent. Il dit en passant que cette décision n'aura pas d'impact négatif sur les activités de la commission. Encore une fois, Jean-Baptiste Badiwonekeza, président de la CNIDH. Au niveau des activités de la CNDH, ça veut dire que le mandat n'est pas changé. Je tiens à dire qu'il y a beaucoup d'NDH dans le monde, en fait, qui n'ont même pas un mandat qui couvre toutes les activités des droits de l'homme, qui ont un mandat limité. Pour l'instant, le mandat de la CNDH reste. Ça veut dire que nous continuons à fonctionner comme à l'accoutumée, que ce soit en termes de l'assistance aux victimes, que ce soit en termes de monitoring des droits de l'homme, que ce soit en termes des activités de promotion, de communication, etc. Et que ce soit aussi en termes des conseils que nous apportons au gouvernement. Donc, nous maintenons notre cap en ce qui est de toutes les activités que la CNDH doit faire. De même, nous maintiendrons notre engagement avec les différents organes des Nations Unies et de l'Union africaine, en sachant que, évidemment, c'est des choses qui, même par le passé, évidemment, nous faisons de façon stratégique parce que c'est des choses qui demandent des moyens. Pour le pays, je pense que l'important, évidemment, c'est de continuer à afficher cette volonté de maintenir une DH conforme aux principes de Paris, à travers notamment le maintien de la loi en place. Et ensuite, la CNDH va, comme je le disais, faire le nécessaire pour continuer à communiquer efficacement au niveau, surtout des Nations États-Unis. Pour que cela se passe, évidemment, il faut un investissement conséquent parce qu'on communique évidemment avec, par exemple, des organes comme le Conseil des droits de l'homme qui sont, comme vous l'avez vu en septembre dernier, dominés par les intérêts des pays. Au regard, par exemple, des deux résolutions contraires qui ont été adoptées en septembre dernier. Mais nous allons poursuivre notre engagement là aussi dans l'objectif de continuer à faire entendre notre voix sur les questions des droits de l'homme au Burundi. Mais comme je l'ai dit, je le répète, nous n'entrerons pas dans la danse de dire des mensonges, de monter de fausses informations dans l'objectif de plaire à tel ou tel autre acteur. Je vous le disais tantôt, plus de 500 jeunes filles et femmes ont été victimes du trafic humain en 2017. Dans son rapport annuel publié ce lundi, l'organisation luttant contre le trafic humain, ONLCT, où est ton frère, souligne que ce trafic commence à toucher les jeunes hommes, dont ceux qui ont été appréhendés alors qu'ils se rendaient en Tanzanie pour travailler dans des champs. Au cours d'une conférence de presse, le président de cette organisation dit qu'en grande partie, les pays de destination sont l'Arabie Saoudite, l'Oman et le Koweït, le trafiquant pouvant gagner jusqu'à 1000 dollars américains. Aubin Nyongou. Quatre voies sont exploitées par les trafiquants dans ce trafic des êtres humains, a souligné le président de l'organisation ONLCT. Il y a le réseau Bujumbura, Muyinga, Kobero, Tanzanie, Oman, etc. Il y a le réseau Bujumbura, Muyinga, Kobero, Uganda, Kampala, Oman. Il y a le réseau Bujumbura, Kayanza, Kanyaru, Rwanda, RDC, Goma, Kampala, Nairobi, vers Oman toujours. Il y a le réseau Bujumbura, Cibitoke, Rukwa, RDC, Goma. Il y a le réseau Bujumbura, Gatumba, RDC, Goma, Oman, Arabie Saoudite. Il y a le réseau Bujumbura, Makamba, Mabanda, Tanzanie, Kigoma, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, à destination de Oman. Il y a le réseau Bujumbura Rutana, Tanzanie, puis il y a les plantations de tabac de la Tanzanie, à destination de Oman, Arabie Saoudite, etc. Au cours de l'an 2017, plus de 500 jeunes filles et femmes ont été victimes de cette exploitation, mais il indique que ce mouvement commence aussi à toucher les jeunes hommes. Chose très étonnante, c'est qu'en 2017, des garçons ont été également la cible des trafiquants, alors que nous étions habitués à du trafic des femmes et des filles uniquement, probablement pour du travail forcé dans les plantations de tabac en Tanzanie. Selon nos estimations, plus de 527 femmes et filles mineures burundaises seraient tombées entre les mailles du filet des trafiquants à destination seulement de l'Oman, de l'Arabie Saoudite, du Liban et du Koweït. Ce trafic étant fructueux, cela constitue une des raisons qui fait que il soit difficile à combattre. Le président de ONLCT nous dresse ce que gagnent ces trafiquants. Prime Mbaroubkeye. Si un trafiquant fait parvenir une victime de la traite en Tanzanie ou au Kenya, il perçoit une somme oscillant entre 1000 et 1300 dollars américains. Le président de ONLCT dit que la mesure de limiter l'octroi des passeports aux jeunes femmes a eu des effets positifs, puisque les victimes de ce trafic sont passées de plus de 800 en 2016 contre plus de 500 en 2017. Il demande au gouvernement d'accompagner cette action par d'autres, notamment par la mise en place d'une commission nationale chargée de la prévention et de la lutte contre cette traite des êtres humains. Merci Aubin. C'est ce jeudi que le monde va célébrer la Journée internationale de la femme. Les femmes burundaises qui travaillent dans des sociétés de gardiennage disent que ce travail les aide à subvenir à leurs besoins. Elles affirment toutefois que des difficultés ne manquent pas, comme le manque de temps pour se préoccuper des enfants, mais aussi le non-respect des ordres de la part de certains visiteurs. Elles appellent d'autres femmes à ne pas se sous-estimer. Reportage signé Gertrude Mawenayo. Emeline Kwizera, une femme chargée de sécurité travaillant pour la société de gardiennage PSG à la banque BBCI, dit qu'elle a pensé faire ce travail pour aider son mari à subvenir aux besoins de leurs enfants. J'ai commencé à travailler dans ce secteur après que je suis sortie de l'université. Et puis, moi, je suis mariée, j'ai des enfants à nourrir, à faire grandir. Donc, je voyais que je dois leur donner quelque chose pour compléter mon mari, pour l'aider à faire le devoir que nous avons envers nos enfants. Et depuis que tu as commencé ton travail, y aurait-il quelque chose qui a changé dans ton foyer ou bien dans ta vie? Oui, grand chose. Avant, j'attendais mon mari qu'il amène leur ration, de payer le loyer, payer le lait des enfants. Mais maintenant, je l'aide et cela me donne de la paix. Une fille étudiante à l'université de Grand Lac qui travaille à la BCB, elle aussi pour la société de gardiennage PSG, dit qu'elle a pensé faire ce travail parce qu'il lui était difficile de trouver le minerval. En commençant ici, le travail de gardiennage, j'ai pensé chercher la vie, c'est-à-dire ce qui concerne la minerval, c'est difficile pour moi. C'est pourquoi j'ai préféré d'aller à la société de gardiennage. Cependant, les difficultés ne manquent pas. Le problème majeur que j'ai rencontré est que je vois que le temps est peu que je passe avec mes enfants. Alors que je devrais être à côté d'eux pour les donner de l'éducation, pour les aider à faire de leurs devoirs de l'école. Le problème que j'ai rencontré dans ce travail, c'est que je fournis beaucoup d'efforts. J'ai un problème aussi pour étudier parce que je suis tellement fatiguée. Ces deux femmes qui se sont lancées dans ce travail appellent les autres femmes à ne pas se considérer incapables de faire tel ou tel autre travail. L'appel que je peux leur lancer est qu'ils doivent sortir de leur maison, sortir pour dialoguer avec les autres, pour ouvrir la tête et faire quelque chose. Je conseille les autres filles ou femmes de travailler parce que si tu ne travailles pas, tu peux aller chercher l'argent ou bien les choses vers quelqu'un. Par exemple, un homme qui a une femme et dans ce moment, tu peux rencontrer beaucoup de problèmes. D'autres femmes qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros mais qui exercent la même fonction pour différentes sociétés de gardiennage affirment que les sociétés qui les emploient n'honorent pas souvent les engagements signés dans les contrats, comme les privilèges de travail qui sont promis mais qui ne sont pas accordés. C'est au moment où débute ce lundi la semaine dédiée à la femme. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La vente de différents matériaux métalliques hors usage appartenant aux établissements publics relève des compétences de l'Office burundais des recettes. De ces matériaux se trouvent notamment les restes de véhicules, des lits d'hôpitaux, des tôles, etc. qui sont observés dans des centres urbains dont la mairie de Bujumbura. Désiré Mouchalitze, le porte-parole du ministère burundais des Finances, explique que lorsque ces différents matériaux occupent les espaces publics alors qu'ils appartiennent aux particuliers, l'administration locale peut décider de leur sort. Suivez Désiré Mouchalitze, c'est le porte-parole du ministère burundais des Finances. Nous en profitons pour informer la population qu'aujourd'hui, c'est l'Office burundais des recettes qui est chargé de vendre les biens meubles et immeubles de l'État. Et ça, et tout ce que nous appelons des administrations, qu'elles soient au niveau provincial et communal, d'approcher le bureau de l'auberge pour donner le détail de tous ces biens-là afin que l'auberge puisse procéder à leur vente. Et parce que le produit de ces ventes est versé au trésor public, ce qui contribue donc à augmenter les recettes des ressources de l'État. Je dis bien, ce sont les biens qui appartiennent à l'État. Pour ce qui est des biens appartenant aux particuliers de pouvoir les vendre. Mais si ces biens causent un problème au niveau de leur emplacement, c'est l'administration locale qui doit consulter ces particuliers pour qu'ils puissent dégager ces biens-là ou les vendre tout simplement. Un hippopotame vient de passer près de 2 mois dans les bacs du centre d'épuration des eaux usées de Buterere en mairie de Bujumbura. Les cultivateurs ayant des champs près de ce centre ainsi que ceux des parages se plaignent que leurs champs sont détruits par cet animal. D'autres encore craignent pour leurs petits-enfants. Malgré cette situation, ils s'accordent à dire qu'il faudrait que cet animal retourne dans les eaux du lac Tanganyika. Au ministère de l'Environnement, l'on précise que la question est connue, il n'y a pas à s'inquiéter. Reye Kanyang. Nous sommes dans un champ appartenant à Madame Mariam. Après avoir traversé une route, une sorte de canalisation ainsi qu'une clôture détruite à quelques endroits, Mariam nous montre les empreintes de cet hippopotame. Elle indique que les champs environnants sont détruits par cet animal. Toutefois, elle ne soutient pas que cet hippopotame soit abattu. Nous avons par la suite approché les 6 bassins de ce centre d'épuration des eaux usées de Boutéré, les deux quartiers 1. Nous rencontrons un homme qui se promène à vélo. Lui, il craint pour les petits-enfants. Il y a un hippopotame ici à Boutéré qui nous menace et parfois il ravage nos cultures. Il a quitté le lac Tanganyika en passant par le site Save et les bassins. Cet hippopotame vit maintenant avec les gens et nous craignons qu'il va tuer nos enfants. Nous n'avons pas besoin de cet hippopotame. Qu'ils viennent le tuer ou le ramener dans le lac Tanganyika. Cette fois, nous sommes près du quatrième bassin. L'on voit du dos cet hippopotame. Il sort son museau et se cache. Des élèves de retour de l'école lui lancent des jets de pierre. Espoir, un petit garçon de 8 ans qui gardait des chèvres, fait savoir qu'il n'a pas du tout peur de cet animal. Un animal qui cohabite plutôt bien avec vaches et chèvres. Pour lui, cet animal a aussi besoin de vivre. Pour rappel, deux hippopotames sont morts durant les deux derniers mois de 2017. L'un près de l'antenne de la radio-télévision nationale au quartier Kabondo, l'autre à Kajaga après avoir tombé dans une fosse septique. Selon Omer Nyonguru, porte-parole du ministère de l'Environnement, la question de cet hippopotame est connue du ministère qu'il n'y a pas de torchon qui brûle. Merci Mireille. En province d'Ngozi, le projet de productivité et de développement du marché agricole va bientôt installer des unités de transformation de pas mal de cultures vivrières comme la banane, le manioc et autres dans 5 des 9 communes que compte la province. La DPA Ngozi appelle à cet effet la population à produire davantage car la conservation de la récolte sera cette fois si facile. Apollinaire Mozagara. Les unités de transformation des cultures vivrières jadis difficiles à conserver seront construites dans les communes Ngozi, Tangara, Kiremba, Kashikanoa et Moum, et Nirebakizura Amje, chargé de la végétalisation agricole à la direction provinciale de la cité de l'élevage, indique que les cultures concernées sont entre autres la banane, les légumes, le manioc et autres. Les cultures vivrières seront transformées sur place pour être commercial. À titre d'exemple, le manioc sera électriquement séché juste après la récolte, de même que les légumes. Quant à la banane, elle sera transformée en fruits conservables dans les emballages pendant de longues durées, ainsi qu'en farine panifiable. Conserver donc la récolte de ces cultures ne sera plus un problème et ces dernières vont procurer plus d'argent aux agriculteurs, explique cet ingénieur agronome. Il appelle à cet effet la population d'Ngozi à s'atteler davantage aux travaux champêtres en vue d'augmenter le rendement agricole, vu que la récolte ne pourrira plus Ngozi. Apone Muzagara, Radio Sangani. Au sport, la compétition de football de la Coupe du Président édition 2018 était en 16e de finale le week-end dernier. Deux formations ont inscrit beaucoup de buts au cours de 16 matchs qui étaient au programme. Message Ngozi a dominé Freedom sur le score de 12-0, tandis que la formation olympique Star de Muyinga s'est imposée 8-0 contre Malaika FC. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. La compétition de football de la Coupe du Président édition 2018 était en 6e de finale fait du week-end dernier. Vendredi, au stade de Buganda, la formation de Kayanza United a été battue 2-0 par Vitaro FC et évolua dans la première division du championnat national Primus League. Le même jour, au stade de football de Gitega, Flambeau de l'Est a remporté facilement la victoire de 4-1 contre la formation Les Crocos de la 2e division. Sur le même stade, l'Interstar a battu Lumière de Mumba 1-0. Samedi le 3 mars, la compétition a continué. Le match qui a encaissé beaucoup de buts est celui qui a opposé Olympique Star qui a corrigé la formation de Malaika FC sur le score de 8-0. Au stade de Muyinga, Busoni Star s'est incliné 3-0 devant la formation de Musongati FC de Gitega. Au stade Urukundo, Aigle Noir a remporté la victoire de 5 pénalties sur 4 dollars. C'est après l'égalisation d'un but partout. Ce dimanche, l'autre match qui a enregistré plusieurs buts est celui qui a opposé Message Ngozi qui a bâti sans pitié la formation Freedom FC sur le score de 12-0. L'équipe de Lydia Dike Burundi qui a raté les compétitions de Ligue des Champions en Afrique édition 2017 a bâti Buja City sur le score de 2-0. La formation de Delta Star qui occupe la dernière position du championnat national Primus League va continuer la compétition. C'est après avoir bâti le club de Matana 2-0 au stade Ivyizigiro. Les autres équipes évoluant dans la première division qui sont toujours dans la compétition du Coupe du Président sont Interstar, Vitalo FC, Musongati, Aigle Noir, Flambeau de l'Est ainsi que Messager Ngozi. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Jean Dodieu Ndaïsenga pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho.